êtes-vous, mignonne, que songez-vous, ne pensez-vous à moi? N'avez-vous pas pitié de mon émoi et des tourments que votre amour me donne? De votre amour, mon âme rayonne. En vous j'espère, comme en vous j'ai foi. Je vous entends absente, absente, je vous vois. Et mon pensée d'autre amour ne résonne. Que dites-vous, que faites-vous, mignonne, que songez-vous, ne pensez-vous à moi? N'avez-vous pas pitié de mon émoi et du tourment que votre amour me donne? J'ai vos beautés, vos grâces et vos yeux gravés en moi et chers en mille lieux où je vous vis parler, danser et rire. Oh,